Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 321e épisode de notre podcast Promesse tenue. On se retrouve une dizaine de jours plus tard pour aborder la deuxième partie de nos chroniques du mois d'avril, un mois qui a été très chargé en lecture. Je suis, comme pour la partie précédente, avec Boris, qui a dû couper son micro. Tu m'entends plus ? Je t'entends maintenant. Ah, ça commence bien. Désolé. Oh purée. Bonjour à tous. Maintenant que tout le monde t'entend, c'est parfait. Nous allons donc, je le disais, aborder la deuxième partie des chroniques du mois d'avril. On s'était arrêté, je crois, de mémoire, sur un suspense absolument insoutenable. Oui. Mais je ne me rappelle plus sur quel titre. Voilà qui démarre bien. Mais je sais qu'on s'était arrêté en disant... Là, tu te rappelles, toi ? C'était pas Little Monsters ? Non, c'était peut-être Little Monsters, genre, oui... Effectivement. Et ben alors, on va commencer par lui, comme ça, on va tout de suite résoudre la question qui était en suspens la dernière fois. J'ai lu depuis la dernière fois Little Monsters 1 et j'ai même lu le 2. On va donc en parler. Je vais te laisser commencer. Oui, parce que moi, ça va être rapide et moi, j'ai lu que le 1. Ça m'a suffi. Donc toi, sans doute que tu donneras ton avis sur la suite avec, parce que si tu as lu les deux assez rapprochés, peut-être que ça change un peu la vision de la chose. Alors Little Monster, c'est Jeff Lemire et Dustin Nguyen qui vont nous raconter l'histoire d'enfants un petit peu qu'on découvre dans un monde un peu dévasté, qui sont abandonnés, on ne sait pas trop, ils sont laissés seuls. Pour leur survie. Et dans ce premier épisode, c'est un premier épisode d'exposition, on va dire, où ils nous présentent tout doucement chaque enfant, chaque personnage. Et puis, bah, c'est à peu près tout, quoi. Hein, il faut être honnête. Moi, ça m'a refroidi. Alors, on sait que Jeff Lemire, des fois, a un petit peu tendance à mettre du temps à lancer ses séries, mais là, c'était franchement très mou. Il se passait pas grand chose, un petit cliffhanger sympa à la fin, mais qui moi m'a pas donné du tout envie d'aller voir la suite. Ça m'a pas changé mon opinion. J'ai trouvé que là c'était trop lent, trop peu de choses à se mettre sous la dent pour ce numéro 1. Alors comme il y a beaucoup de choses à lire, j'ai fait un tri, j'ai choisi d'arrêter en single en tout cas. Donc peut-être que tu vas me convaincre de lire le TP quand ça va sortir, mais Little Monster, c'est une vraie déception par rapport à l'équipe artistique au départ. Après, graphiquement, c'est du noir et blanc essentiellement. Il y a quelques toutes petites touches de couleur, mais c'est pas du tout ce à quoi nous a habitué Dustin Nguyen avec ses peintures, hein, très colorées. Là, c'est du noir et blanc. Ça fonctionne, c'est correct, c'est du bon dessin, hein, mais c'est bon, voilà. Peut-être que... Alors, c'est volontaire, j'imagine, pour créer cette ambiance un peu froide, glaciale. Mais bon, le dessin est très correct. C'est l'histoire qui m'a laissé totalement sur ma faim. Voilà, je te laisse la suite, voir si tu me convaincs de poursuivre. Sur ce numéro 1, j'étais un peu partagé. J'ai eu ce problème dont j'avais déjà parlé sur Family Tree, de la sollicitation qui raconte plus que le numéro en lui-même, et que ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Disons que rien que la première phrase de l'intro de la sollicitation que j'ai sous les yeux nous raconte plus de choses que ce qu'on nous raconte dans l'ensemble du numéro. C'est-à-dire que... Oui, voilà, c'est problématique. Il y a quelque chose qu'on voit sur la toute dernière page du numéro 1 qui nous révèle qui sont ces enfants réellement. Et ça, c'est la première phase de la sollicitation. Donc moi, ça me gêne, parce que du coup, on nous fait un cliffhanger à la fin de numéro, qui est censé du coup être une grosse révélation, c'est le cliffhanger, sauf qu'en fait, bah, c'est pas une révélation, puisqu'on le sait depuis le départ, et c'est ce pourquoi on a signé, en fait, c'est ce qu'on a envie de lire. Si on est venu sur ce numéro en ayant lu la sollicitation, bah, c'est qu'on a envie de lire cette histoire, et pas qu'on nous dise à la toute fin du premier numéro ce qu'on sait déjà, en fait. Alors oui, ces gamins, ils sont intrigants, intéressants, il y en a certains qui nous questionnent, leurs personnalités sont plutôt bien caractérisées, Dustin Nguyen en noir et blanc, moi j'aime bien, Après, j'ai toujours bien aimé ce que fait Dustin Nguyen, donc là, je suis pas. Ça déroge pas à la règle. Graphiquement, je trouve ça bien. On comprend, du coup, à la fin de ce numéro 1, pourquoi on a des touches de rouge dans ce noir et blanc. Maintenant, effectivement, ce numéro 1, moi, j'en aurais fait un numéro double, en fait. J'aurais mis le numéro 1 et le numéro 2 ensemble pour faire un seul numéro. Et là, peut-être que l'impression aurait été différente, parce que effectivement, dans ce numéro 2, on nous en dit un peu plus, on aborde franchement la question de ce que sont ces enfants. Et à la fin du numéro 2, j'ai l'impression que on arrive à la moitié de la sollicitation du numéro 1. Bonne moitié. Donc, bon. La sollicitation du numéro 1 aurait dû être la sollicitation du TP et pas du numéro 1, en fait. Et voilà, ça c'est vraiment très emmerdant. Donc c'est ni bien oui, c'est... ni pas bien. C'est bien écrit, c'est bien dessiné, sauf que bah, ça va beaucoup trop doucement par rapport à ce qui nous était vendu, en fait. Oui, ouais, comme tu dis, il aurait fallu que ce soit un numéro double ou que le numéro 1 soit la moitié du premier numéro, quoi. Parce alors, faites-nous un graphic novel. Enfin, je sais pas. Oui, oui, bah, tout à fait. Ouais. Si votre découpage en single vous empêche de nous raconter ce que vous nous dites dès la sollicitation du premier épisode, bah, nous racontez pas ça en épisode, faites-le en graphic novel et basta, on n'en parle plus. Ouais, ouais. C'était déjà un peu le cas sur... comment c'est Family Tree. Family Tree, moi j'avais plutôt bien aimé au début, après c'est parti en sucette. Mais Ascender, oui. Mmh. Où, pas forcément le premier numéro, mais il y avait des numéros où il se passait pas grand-chose. Hein. Moi ça m'a tué. J'ai arrêté la série au bout de 9 ou 10, je crois. Parce que bah, ça avançait pas du tout, quoi. Je pense qu'il a, sur certaines séries, il a vraiment une écriture plutôt TP, effectivement. Graphic novel. Mm. Où il faudrait qu'il passe directement à ce format-là. Alors, ils vont le faire avec Sorrentino sur une de leurs séries, là. Bonheur, horrifique. Ouais, donc là, ça va être direct en graphic novel. Donc. Je pense qu'il n'est pas contre la chose. Non, et puis je pense que maintenant, le mec, en plus associé à Dustin Nguyen, c'est quand même un tandem qui a fait ses preuves sur Ascender et Descender, on le dit. Sur leur nom seul, ils peuvent engager des gens à acheter directement un graphic novel. Acheter un graphic novel, c'est financièrement plus coûteux. Donc, en tant que lecteur, tu ne le fais pas à la légère. Maintenant, Jeff Lemire, Dustin Nguyen... ça a suffisamment de poids pour encourager les gens à aller lire un graphic novel directement, plutôt que de leur vendre un numéro 1 qui, au final, fonctionne pas super bien parce qu'il te raconte pas grand-chose. Il ne sert que de... C'est un peu le prologue, en fait, ce numéro 1 de leur histoire. Et bah ouais, mais un prologue à 4$... Ouais, c'est un peu gênant, quoi. Donc le numéro 2 nous donne plus d'informations, nous dit plus de choses, notamment en termes de date, en termes de... Qui est-ce qui nous raconte cette histoire? On le découvre à la fin du numéro 2, le narrateur. Maintenant, voilà, en single, je pense que c'est un peu léger. Et pourtant, ouais. Je trouve pas ça de mauvais. Loin de là. Oui, non, c'était pas mauvais. On sentait qu'il y avait du potentiel et c'est vrai qu'il écrit bien ses personnages. Mais moi, j'ai lu que le 1 à la fin du 1, je me suis dit, mais il n'y a rien, quoi. Je comprends. Donc, bon, voilà, c'est un peu. C'est un peu embêtant et c'est un peu... Ça revient sur certaines séries, quoi, des numéros 1 en ce moment, qui sont pas forcément très accrocheurs, finalement. Mm-hmm. Et qui, avec tout ce qu'il y a à lire, on laisse un peu tomber, quoi. Alors que ça se trouve, au bout de quelques numéros, ça sera d'excellentes séries, mais comme ça démarre pas super, un peu de façon mollassonne, on laisse tomber, quoi. C'est un peu bête. Ouais, c'est vrai. Suspense étant réglé. Suspense Little Monsters étant réglé, je regarde si on a d'autres titres Image dans la liste et nous en avons ces deux lectures à toi. Je te laisse commencer peut-être par Homesick Pilots. Ouais, Homesick Pilots, alors c'est le 13, donc là ça fait déjà un bon mois que c'est sorti, puisqu'il y a au moment où on enregistre le 14 qui sort demain, qui sort cette semaine. Donc ça fait déjà un certain temps. Donc c'est une série dont je parle beaucoup, hein, à chaque numéro quasiment que je chronique. J'ai interviewé les artistes, etc. C'est vraiment une série, moi, qui me plaît beaucoup, qui a pas mal évolué depuis le début, parce qu'on était parti sur un pitch un peu magique et intimiste, un groupe d'amis, ce genre de choses, leurs relations. Et puis finalement, ça s'est un petit peu transformé en quelque chose d'un peu de super pouvoir, de quelque chose d'un peu plus ambitieux, on va dire. en termes de mise en jeu. Et donc là, on se retrouve à deux épisodes de la fin, puisque la série s'arrête au 15, avec quand même pas mal d'enjeux. C'est toujours aussi intéressant. Et il arrive toujours, Dan Waters, le scénariste, à toujours aussi bien équilibrer sa partie intime, la relation entre ses amis qui, voilà, dont les relations évoluent et dont on découvre petit à petit le passé, les différents problèmes. Et ce côté pouvoir baston qui est dessiné par Kaspar Wijngaard de façon assez impressionnante. J'aime beaucoup son trait, ses couleurs roses, dans des tons roses, verts. Je ne sais pas comment il travaille ses couleurs, mais c'est vraiment très, très beau. Donc, il y avait toujours une histoire de fantôme. Au départ, c'était ça, hein, c'était une maison hantée qui était visitée par une des membres du groupe et puis qui se faisait absorber un petit peu par cette maison et était transformée en fantôme. Et donc, il y avait affaire au fantôme de la maison. Et là, ils sont à la recherche d'un fantôme qui avait disparu. Et donc, on s'approche tout doucement de cette découverte et on découvre justement pas mal de trucs sur d'informations sur ce fantôme. Et c'est assez intriguant. Je ne sais pas trop comment il va terminer sa série. Mais pour moi, c'est toujours un bon coup de cœur. S'il arrive à bien conclure, ce sera une des séries que j'aurai le plus de lire, plus de plaisir à lire, pardon, de ces deux dernières années à peu près. Notamment pour la partie graphique. Je sais pas si toi t'as lu le premier TP au moins, je crois. Ouais. Graphiquement, c'est quand même assez original et ça tient la route, quoi. Puis il y a des idées de design, au niveau des c'est pas des monstres, mais comment dire. Voilà, ceux qui se combattent avec les designs de maisons, etc., qui sont assez originaux. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Voilà mon ressenti sur ce 13, une série qui n'a pas baissé de qualité depuis le début, voire même peut-être même un petit peu augmenté au fur et à mesure. Voilà, ça s'est affiné en termes d'écriture. Un peu plus précis, un peu plus à l'essentiel. Donc, toujours une bonne série et j'espère que ça va bien se conclure. Ok, j'ai du retard, j'ai pas lu le TP2 encore, c'est un truc que j'ai pris plutôt plaisir à lire en TP1, donc sans doute j'y retournerai-je pour le TP2, il attend quelque part dans une pile. Donc, voilà. Bah, tu verras, ça change un peu de direction, d'ambiance, et je sais pas si ça arrivera en français, je pense que ça, c'est une série qui pourrait tenir la route, mais bon, comme le comics en français un peu, un petit peu du mal en ce moment en indé notamment, je suis pas sûr que, déjà rien que les noms vont pas forcément être porteurs, hein. C'est pas des artistes qui sont connus en France. Donc ça joue. Après, peut-être chez Delcourt, ça peut peut-être se faire. Moi, je pense que ça pourrait marcher. Ça pourrait trouver son public, quoi. Et l'autre, je passe à l'autre série. Vas-y. Chez Image, c'est Monkey Meat. Toujours chez Image, de Johnny Ba. Donc j'ai déjà chroniqué les deux premiers à l'écrit. Et ce troisième numéro aussi, mais j'en reparle un petit peu parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Donc c'est une série anthologique. Qui raconte l'histoire de personnages qui travaillent sur une île qui est possédée par un conglomérat capitaliste, on va dire, et qui capitalise justement toutes un peu les dérives du système. Et donc chaque épisode raconte l'histoire d'un personnage ou d'un groupe de personnages. Et c'est, je pense quand même si l'artiste dénonce un certain nombre de choses, c'est surtout un gros plaisir, un gros kiff pour lui et pour le lecteur pour s'éclater. Graphiquement, c'est du grand Johnny Ba qui à la fois s'inspire du manga, comme dans le numéro 2. Le numéro 2, notamment, c'était un hommage au shonen. Mais dans son dessin en général, il y a un gros côté manga quand même dans le dynamisme. Les mises en page. Et là, dans ce numéro 3, il raconte l'histoire d'un garçon qui a des pouvoirs magiques, mais qui est un petit peu mis à l'écart dans sa jeunesse, et qui finalement, pour pouvoir survivre, se met à transporter des colis pour justement cette compagnie capitaliste. Et donc, c'est un peu une critique, voilà, des livreurs Uber et compagnie. Donc, ça reste toujours aussi fun. C'est un petit peu plus touchant, on va dire, un petit peu plus. Il y a la fibre un petit peu touchante qui fonctionne davantage que dans les deux premiers. Mais graphiquement, c'est toujours une grosse claque à chaque fois. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce dessin très fun, très, très, très, très rond. Et au niveau des couleurs aussi, il y a un travail assez impressionnant. Dans des teintes souvent jaune-orangées. Et puis là, il travaille certaines pages avec des enluminures, on va dire, toute proportion gardée, qui donne un petit côté sympa au dessin. Donc, et puis comme c'est anthologique, bon, bah, voilà, on peut prendre un épisode au hasard, quoi. C'est ça qui est sympa. Alors, je sais pas combien de temps il prévoit de la produire, mais pour l'instant, je suis bien accroché et je trouve que ça fonctionne bien. Alors, bon, je pense qu'il faut adhérer un petit peu au propos et au dessin, mais si on n'est pas contre, c'est franchement fun. Donc là, il y a le 4 qui est sorti, que j'ai pas encore lu, mais ça va être dans mon prochain colis, une des premières lectures de mon colis et de ma pile. Donc toujours très très bonne série. C'est une mini série en 5, hein, pour info. Ah d'accord. Ah bah ça va être dit. Ah je pensais qu'il avait. Non, 5 okay. Parties et le TP est annoncé pour le 14 septembre pour ceux qui auraient raté les premiers. Ok, et eh ben alors il reste 2 épisodes alors. Voilà. Mais ouais, non, franchement très sympa. Ok, et ben chez Image, on va terminer, tu sais quoi, on va faire une vague Image, on va terminer Image pour vous dire que cette semaine, nous sommes le 17 avril pour ceux qui nous écoutent avec du décalage, cette semaine est sortie Image, point d'exclamation, numéro 1, qui n'est autre que l'anthologie destinée à célébrer les 30 ans d'Image Comics. Qui fête donc ses 30 ans cette année. Une anthologie qui sera en 12 parties, 12 numéros de 64 pages, sans pub, c'est plutôt agréable. Avec évidemment des équipes créatives prestigieuses. Donc dans ce premier numéro, on a pas moins de 10 histoires. Histoire ou début d'histoire, puisque à la manière de Urban Legends, Batman Urban Legends chez DC et d'autres publications qu'on connaît, ou de Feu les kiosques EVF, on a à la fois des histoires qui vont se dérouler sur 12 parties, certaines sur 3, sur 4, ou même des histoires qui ne seront que dans un numéro en one shot. Donc là, évidemment, numéro 1 oblige, on a le démarrage de toutes les histoires qui vont se dérouler sous nos yeux pendant un an, avec, je ne vais pas toutes les faire, parce qu'il y en a 10, et voilà, ça n'aurait aucun sens. Juste celles que j'ai retenues, moi qui retiennent mon attention, c'est la première, The Blizzard, par Geoff Jones, Andrea Muti et Rob Lee. Une histoire qui démarre le jour du procès d'un homme accusé d'avoir enlevé et sans doute tué plusieurs enfants dans la région. Donc ça se passe en Italie. Et sur les marches du tribunal, cet homme se fait abattre par le père d'un des enfants présumés victimes de cette personne-là. Et on va suivre les conséquences de cet assassinat. Et puis sans doute quelque chose d'un peu plus mystérieux, plus surnaturel aura lieu dans les prochains chapitres au vu de la dernière page. Voilà, donc ça m'a bien plu. Andrea Muti, j'aime plutôt son style. Geoff Jones dans autre chose que du super-héroïque ou des histoires un peu de personnes à pouvoir comme on peut le voir avec Geiger et tout. C'est pas habituel, donc moi ça me plaît bien de voir traiter l'histoire qui a l'air plus une histoire de personnes classiques. Donc ça c'est pas mal, ça a retenu mon attention. Qu'est-ce qui a retenu mon attention aussi? Hopeless de Mirka Andolfo. Ça serait difficile de résumer résumer ce qu'est Hopeless. Je pense qu'il faut vraiment le lire pour le comprendre. C'est un peu tordu, un peu... En gros, un mec qui est sans doute un ancien tueur en série ou quelque chose comme ça va se permettre d'assouvir ses pulsions hyper violentes à travers des processus de réalité virtuelle. On lui implante des choses, un aiguillon là dans la tête, un peu comme on peut voir dans des choses comme Matrix, et du coup il va entrer dans une réalité virtuelle qui va lui permettre d'assouvir un peu ses pulsions, sauf que ça ne va pas assez loin. L'intelligence artificielle qui gère ce truc-là ne va pas assez loin pour lui, parce que les personnes ne se défendent pas, il est un peu sadique, il a envie que ses victimes fuient, etc. Enfin, et du coup, il va essayer de manière assez violente d'obtenir quelque chose de plus puissant pour lui. Et il se pourrait bien que les choses finissent par se retourner contre lui et que le chat finisse par devenir souris. Et c'est ça qui m'a plu dans cette première partie. Ce sera en 3. Et puis évidemment Shift par Kyle Higgins et Daniele Di Nicuolo au dessin. Shift qui est un personnage que l'on a rencontré dans Radiant Black numéro 13 ou dans Radiant Red, je ne sais plus, je crois que c'est dans Radiant Black. Et du coup, on a en quatre parties un peu l'origine de ce personnage, de ce vilain Shift, qui il est, comment tout ça a démarré, quel est son objectif, etc. Voilà, ça va développer un peu ce qu'on peut suivre dans Radiant Black, Radiant Red et compagnie. Ça nous apporte encore une extension à cet univers que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ces trois épisodes-là, pour moi, c'est les trois meilleures choses de cette anthologie. Il n'y a rien que je jetterais particulièrement. Il y a forcément des choses qui nous intéressent plus ou moins. C'est normal, on ne peut pas aimer 10 histoires. Il y a forcément une ou deux qui nous parlent moins, mais je reconnais que toutes ont leur qualité, en tout cas. Bon démarrage pour cette anthologie que j'irai suivre du coup sur les numéros suivants, au moins pour avoir la suite des histoires que je vous ai citées. Il y avait le Old Dog de oui. Declan Chalvet, qui est la deuxième histoire, oui. Ça, c'était sympa, ça ? C'était pas mal, c'était pas mal. Alors, j'ai rebalancé le numéro dans la pile derrière moi, donc je vais me lever pour le récupérer. Parce que c'est un prélude, a priori, à la série. C'est, enfin, c'est un prélude à la série qui va arriver en juin, qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. C'est un prélude parce que il est intitulé Old Dog numéro 0, Dead Drop. Ben voilà. Voilà. Ouais. Donc, c'est 8 ou 10 pages, hein, c'est assez court. Les histoires font toutes à peu près 8 pages. Donc, c'est un prélude, un prologue assez court, assez intriguant, qui annonce quelque chose d'assez noir. Dans le style, c'était pas mal. Ok, bon, j'espère qu'il faudra que ça soit pas nécessaire à la lecture de la série, parce que moi je vais suivre la série, mais j'ai pas pris ce image là. Je pense pas, je pense que c'est un petit bonus, un petit teasing numéro 0, comme on peut trouver parfois dans les FCBD, les choses comme ça. Ça sera pas indispensable, ce sera voilà. Les personnes qui seront un peu complétistes, voire collectionneurs, si cette série finit par avoir du succès, voudront avoir la première apparition du personnage, et la première apparition du personnage du coup sera pas dans le numéro 1, sera bien dans Image numéro 1, donc c'est ça qui peut rendre ce numéro un peu important, on va dire, dans l'histoire de la série, mais c'est, à mon avis, ça restera anecdotique par rapport à l'histoire. Ouais, ok, bah ça, j'espère. Bon, c'est une série qui me tente bien, là. On n'en avait pas parlé dans les news l'autre fois, mais ça arrive au mois de juin, et en général, Declan Chalvet, j'aime bien ce qu'il fait. Et là, il va tout faire, là, dessin. Et il y a longtemps qu'il n'a pas dessiné une série ongoing qu'il scénarise. Enfin, voilà, où il fait tout. Il y a quelques séries. Là, il est sur Time Before Time, mais il fait que le scénario. Et je suis bien tenté. Moi, il doit me répondre normalement. Il devrait y avoir une interview qui devrait arriver dans pas longtemps. Mais c'est une série qui me tente bien, effectivement. Donc, j'avais vu qu'il y avait un petit numéro 0. Bon, donc 8 pages. Ouais, donc bon. Sans conséquence. Bon. Oui, non, mais des fois, ça serait un peu dommage, quoi. Mais... Pour être totalement objectif, c'est ce qui peut être frustrant avec cette anthologie Image. Je trouve que 10 histoires de 4 à 8 pages, qui sont pour la plupart des chapitres d'histoires un peu plus vastes, ça aurait mérité un autre découpage. Ouais. Bon, l'histoire de Geoff Jones, qui est un peu la tête de gondole de cette anthologie, qu'elle reste en 12 parties de 8-10 pages, pourquoi pas. Maintenant, les autres, peut-être qu'on aurait pu découper autrement pour avoir plus de densité, plus de contenu, parce qu'on a l'impression, à la fin d'avoir lu ça, d'avoir lu un peu plus un catalogue de chapitres introductifs, de courts teasing, que vraiment le début d'histoire. Ça aurait pu être découpé autrement pour avoir peut-être deux ou trois histoires de moins par numéro, mais plus de place donnée à chacune et un peu répartie autrement, ça aurait été peut-être profitable. Et moi, ça portera pas suffisamment préjudice au truc pour que je continue, pour que je m'arrête. Je vais continuer parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'ont intéressé. Mais je pense que sur des lecteurs plus occasionnels ou quoi, ça peut être un frein. On peut avoir l'impression de dire on n'a pas lu grand-chose au final. On a eu des blocs de 8 pages et puis on les a enchaînés comme ça. Ça peut donner l'impression zapping. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est un peu le risque de ce genre d'anthologie. Hein, donc... Alors que dans Urban Legends, on a quand même des histoires d'une vingtaine de pages à chaque fois. Il n'y a que trois, voire des fois quatre histoires qui sont proposées dans les numéros, mais on a quand même à chaque fois on a de la place pour développer des trucs, et c'est entre 10, 20 pages minimum. Donc voilà. Okay. Ouais, moi j'avais vu, mais je m'étais dit, voilà, c'est pas le genre de truc que je vais suivre. Donc voilà, la frustration aurait été. Ouais, sans doute. Trop grande, donc bon, j'ai pas donné suite à mon enthousiasme initial, on va dire. Alors on va voir si ton enthousiasme initial là-dessus continue, puisqu'on va passer à Marvel. Il n'y a que toi qui vas nous parler de Marvel aujourd'hui. Et puis tu vas nous parler uniquement de Chip Zdarsky, puisque les deux titres le concernent. Ouais. Les deux titres sont liés au même événement. Voilà, et ça va être assez rapide, hein. J'en ai déjà parlé. Le premier, c'est la mini-série Daredevil Woman Without Fear. Alors, c'est une mini-série en trois parties. Donc, j'avais déjà chroniqué le premier numéro pour lequel j'avais dit que je ne voyais pas trop l'intérêt de cette série. Bon, bah le 2 et le 3 sont à peu près du même niveau. Je ne vois pas trop, à part effectivement à la fin. Maintenant, c'est pas un spoil. Hein. L'arrivée de. Comment s'appelle-t-il? Du Punisher. Mm-hmm. Le nouveau Punisher dessiné, scénarisé par. Jason Aaron. Merci. Jason Aaron. C'est le seul intérêt de. Je ne sais pas si c'est vraiment par cette mini-série qu'il est introduit, je suppose, vu que c'est un gros cliffhanger à la fin. Je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé ailleurs. Je ne suis pas trop le reste des publications Marvel, mais honnêtement, à part ça, ça ne m'a pas passionné. Honnêtement. Alors peut-être que d'autres personnes, d'autres lecteurs ont pu trouver ça sympa. Mais bon, c'est Elektra qui contre Kraven, en gros. Hein, c'est de la baston. Alors effectivement, on revient un peu sur le passé, l'histoire d'Elektra. Donc pourquoi pas, mais ça ne m'a pas passionné. Franchement, j'ai trouvé que c'est pas du. Chip Zdarsky, il y a des choses où je suis vraiment très enthousiaste et je trouve ça génial. Et puis il y a certaines histoires où je le trouve assez commun quoi en termes de scénariste. Et là, on est dans la catégorie du commun. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu... Voilà, c'est du Marvel, quoi. C'est pour capitaliser, faire un peu de bise sur l'event Devil's Reign dont je vais parler juste après. Parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. Le seul truc sympa, c'est les dessins de Raphaël Della Torre qui sont quand même plutôt jolis. Voilà, il a un trait assez sympa, assez anguleux, mais dynamique. Et puis, il y a pas mal de scènes qui se passent en extérieur, alors avec des couleurs assez contrastées au niveau des paysages, ça se passe dans la neige, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez joli comme dessin, c'est plutôt sympa, mais ça vaut pas le déplacement, quoi. C'est pas pour ça qu'on va dire ça. Donc, voilà, je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, bah, c'est dans la continuité et en parallèle du Daredevil de Zdarsky et de Devil's Reign, mais bon, ça valait pas le coup, en fait. Pour ce qui est de Devil's Reign, j'en suis, moi, au 5 sur 6. Et le 6 est sorti, mais je l'ai pas lu, donc je n'ai pas vu la conclusion. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est très sympa. C'est un petit event, voilà, c'est pas un gros truc qui, a priori... marche sur toutes les séries comme avait pu faire le précédent event de Donny Cates. Là, ça regroupe une partie de l'univers, mais ça reste relativement restreint. Et je trouve que Chip Zdarsky utilise bien tous ses personnages. Il y a pas mal de personnages qui interviennent, hein, puisque c'est un petit peu Daredevil contre le Caïd, on va dire, pour résumer très simplement. Mais bien sûr aidé de toute la clique des héros Marvel pour l'affronter. Ça manquait un petit peu de scènes fortes, je trouvais, depuis le début, tout en étant toujours agréable à lire, hein. Mais là ça se conclut par justement une scène assez forte qui met encore une fois en jeu le Caïd. Et qui promet donc je pense un final assez musclé et assez fort. Donc franchement non, une bonne lecture, très agréable, et dessiné par Marco Checchetto qui est comme d'habitude en très grande forme. Voilà, hein. J'avais peur un peu au début, je crois que j'en avais déjà parlé, que les events Marvel ça me gave en général, mais ça tient la route et ça en fait c'est la suite du run sur Daredevil, hein. Il faut quand même le reconnaître. Mais comme il y a pas mal de personnages qui interviennent, voilà, on en a fait un petit event pour vendre un peu plus, peut-être, sans doute. Mais ça reste dans la continuité du run de Chip Zdarsky sur Daredevil. C'est de qualité. Ça, on ne retrouve pas, évidemment, comme ça, on en a déjà parlé, hein, la qualité des 20 premiers épisodes de son run. Mais ça reste du très bon, de la très bonne lecture. Et ça me permet de lire encore un petit peu de Marvel de temps en temps, ce qui n'est pas désagréable. Et puis la suite se fera avec la nouvelle série Daredevil qui va arriver début juin aussi, je crois. C'est le juin est le mois de la folie. Donc je vais reprendre le cours de la série. J'espère que ça sera toujours aussi sympa. Mais voilà, donc Devil's Reign, très bien, très sympa. Woman Without Fear à éviter, clairement. Ça n'a aucun intérêt. Voilà pour le Marvel. Ok, ben Marvel étant fait, on va aller attaquer la maison en face maintenant. Et on va commencer, puisqu'on parle de maison, on va commencer d'abord en douceur. On ne va pas rentrer dans l'univers d'ici, à proprement parler tout de suite. On va aller visiter la maison au bord du lac. Nice House on the Lake, c'est le numéro 7. C'est le premier chapitre de la deuxième partie, du deuxième arc, et dernier, du coup, de cette maxi-série en 12. Toujours Jameson Unford, toujours Alvaro Martinez Bueno, toujours Jordi Belair pour les couleurs. Et est-ce que c'est toujours bien? Enfin non, toujours bien, toujours aussi bien, parce que c'est plus que bien. Oui, oui. Quand j'ai repris la lecture, alors c'est vrai qu'il y avait une petite pause, hein, donc des fois on oublie un peu. 3 mois, 4 mois, ouais. Voilà, ouais. Je me souvenais plus trop en fait du cliffhanger final de la première partie. Donc ça m'a un peu surpris au début, je me suis dit ça redémarre un peu de façon étrange. Mais en fait oui, j'avais oublié un petit peu, et on comprend vite que le fameux Walter a des pouvoirs et qu'il les utilise à des fins que finalement maintenant on ne sait plus trop où est-ce qu'il veut aller et ce qu'il veut en faire. Et donc effectivement il y a une nouvelle donne, puisqu'il y a eu des révélations à la fin de l'épisode 6 qui ont un peu tout chamboulé. Et donc ouais, voilà, il y a clairement une nouvelle donne, une nouvelle façon de voir la série, le fameux Walter devient clairement le centre de la série et se révèle assez il l'était déjà, mais on le voyait peut-être pas toujours parce qu'il était quand même un peu absent quand même une partie de la série, des premiers épisodes, et il se révèle quand même très manipulateur. Alors au départ, et maintenant si vous suivez la série en VO, il n'y a pas vraiment de spoil. C'était au départ soi-disant pour protéger ses amis qui les avaient rassemblés dans la maison, mais il y a quand même tellement de parts d'ombre et de choses étranges qu'on ne sait plus vraiment si c'est ça et s'il n'y a pas un autre dessin derrière. D'autant plus que certains personnages qu'on n'avait pas trop vus ou voilà, qui n'avaient pas été trop mis en avant, reviennent. Et c'est vraiment, il y a des pages assez intrigantes là, toutes ces pages dans un peu claustrophobes là, on sait pas trop. Moi au début je me demandais qui étaient ces personnages et ce qu'ils faisaient. Et puis à chaque fois, comme dans pas mal d'épisodes précédemment, voilà, il se rend sur l'île qui borde la maison là, et il va voir des personnages et dialogue avec eux, et ça amène quand même souvent beaucoup de questions, peu de réponses pour l'instant. Et puis bah franchement c'est toujours aussi cool, et j'avais peur un peu, voilà, je me demandais comment il allait relancer un petit peu sa deuxième partie, et finalement ça fonctionne super bien. Et puis en termes de dessin, bah c'est toujours la claque, hein. Martinez Bueno et Jordi Belair, c'est le tandem de feu, c'est toujours aussi beau, toujours aussi intrigant et mystérieux sur certaines planches. Donc très bon début de deuxième partie pour moi. Je suppose que tu l'as lu aussi. Ouais, et pas mieux. Voilà, pas mieux. Pas mieux. C'est toujours exceptionnel. C'est toujours aussi beau. Enfin, voilà. Night House, clairement. Un futur classique de James Ironford. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Après, je pense que ça méritera une relecture une fois que tout sera fini. Parce qu'on a raté des trucs, clairement. Donc, moi, ça sortira en VF chez Urban, je suppose, dans une belle édition. Donc, je crois que c'est... Je la lirai aussi de ce point de vue-là, parce qu'en termes de, des fois, il y a quand même des pavés de texte un peu, hein, des dialogues et des descriptions. Je suis pas sûr tout le temps de tout saisir. J'avoue que pas totalement bilingue, comme dirait l'autre. Donc, je me dis qu'une petite lecture en VF, ça sera pas trop. Mais je pense que ça, ouais, voilà, une fois que ça sortira en VF, tout collecté, je pense qu'une relecture sera très appréciable et appréciée. Mm-hmm. Et comme je me permets une petite digression. Permets-toi. Puisqu'on en est sur le DC Black Label, je vais faire une digression VF. Parce que j'ai vu ça il y a... Je furte sur Internet et je suis tombé sur une annonce d'Urban Comics qui annonce qu'ils vont republier la série Sleeper de Ed Brubaker et Sean Phillips. Un de leurs premiers titres qui était indisponible depuis longtemps, qui avait été publié chez Delcourt. Il y a quelques années, dans des volumes souples, un peu semi-cartonnés, quoi. Et moi, je les ai chez moi, ils sont un peu dans un état. Je pense qu'ils ont bien vécu. Et là, ça ressort en août, dans le Black Label, sans doute en deux tomes, a priori, je pense. Parce que là, il y a 12 et 5, 17 épisodes, oui, il doit y avoir deux tomes. Et donc, le lien, c'est DC Black Label, hein, ça va pas plus loin. Mais. C'est une série dont on ne savait pas trop ce qu'elle allait devenir, si elle allait être publiée et par qui. Et donc, comme je crois que c'était publié chez Wildstorm, qui est passé sous DC hein, depuis un certain temps, je crois. Hein. Et si je dis des bêtises, vous m'en excuserez. Mais voilà, ça fait une petite news au milieu des reviews. Mais voilà, une série qui est vraiment excellente entre le polar à la Ed Brubaker, mais aussi avec du super pouvoir. Et franchement, c'est une série à redécouvrir. C'était un vrai bon titre. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien Brubaker Phillips, c'est à saisir à la fin de l'été. Voilà, j'ai fini mon petit écart. Très bien, bah, je vais faire mon bloc d'ici du coup. Parce que... Là, je te laisse parce que j'y suis pas. On va parler de deux constructeurs d'univers, les deux qui vont être au cœur de toutes les attentions dans les mois à venir chez DC. On va commencer par Joshua Williamson. Non pas pour parler de Superman, non pas pour parler de Nightwing, on va les laisser se reposer cette fois-ci, mais pour parler de ces deux autres séries que sont Deathstroke INC et Robin. Puisque comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai rattrapé Deathstroke INC. Je n'avais lu que deux ou trois épisodes, je crois. Là, j'en suis arrivé à 7 épisodes. Robin, j'en suis arrivé au numéro 12, c'est-à-dire que je suis prêt à attaquer Shadow War, qui est l'événement du mois d'avril du côté des séries de Joshua Williamson, le moment où toutes ces séries vont se rencontrer. Batman, Deathstroke et Robin, au sein d'un crossover en quatre parties qui s'étalera sur les quatre semaines d'avril. Le décor est donc posé. Deathstroke INC, tandem entre Deathstroke et Black Canary, tandem un peu inattendu, qui fait des étincelles, une série pleine de faux-semblants, de coups de traître et de manipulation en tout genre, avec quelques révélations concernant l'identité de certains personnages que l'on voit évoluer, notamment dans la série Robin, pour l'un d'entre eux qui s'appelle Respawn. Qui est-il ? On va le découvrir dans le Deathstroke numéro 7. Pas mal de surprises et une habileté scénaristique de Joshua Williamson qui est quand même à saluer. Parce qu'on part sur une série avec Deathstroke qui fait un team-up avec Black Canary pour mener l'enquête, soi-disant, sur un groupe qui s'appelle Trust, etc. Bon, s'infiltrer, bon, on part sur de l'espionnage. En face, on a Robin, qui nous met Robin sur une île qui s'appelle Lazarus Island, et qui va le mettre en plein milieu d'un espèce de grand tournoi un peu à la Dragon Ball, avec des combattants, des jeunes combattants, de presque tous de son âge, et on va chercher à les faire combattre à mort. Chacun a la possibilité de mourir deux fois, puisque évidemment on est sur Lazarus Island, donc il y a des puits de Lazare. Chacun a le droit de mourir deux fois, mais quand on meurt une troisième fois, c'est pour de bon. Donc on peut abandonner quoi, après sa deuxième mort, tout simplement. Et à la fin, il n'en reste qu'un, évidemment. Est-ce que c'est Robin, est-ce que c'est un autre ? Le dénouement du tournoi est assez intéressant, et surtout ce qui se passe après. Parce que ce qui se passe après, ça va amener Robin à explorer le passé de sa famille, à se rendre du côté de Gotham, et à finir par croiser le chemin des événements qu'on nous raconte dans Deathstroke depuis le début, alors que les deux trucs n'avaient rien à voir. Petit à petit, l'air de rien, ils se rapprochent, avec comme thème central la famille Al Ghul notamment, mais pas que. Et on va même réussir à nous raccrocher avec ce qui se passe dans Batman, qui là aussi n'a pas grand-chose à voir avec les deux séries sur le concept initial. Et voilà, on a une dizaine d'épisodes pour Robin, 7 épisodes pour Deathstroke, 5 épisodes sur Batman. Williamson nous construit une histoire qui va aboutir à un gros crossover, Shadow War, que j'ai très envie de lire en fait. Parce que les trois séries ont vraiment leur identité propre, trois styles d'écriture complètement différents. Enfin, Williamson, balèze quoi. Vraiment, on a trois styles d'écriture qui sont à l'opposé les uns des autres, et pourtant il arrive à les relier dans une histoire qui a l'air de tenir la route en plus et de former quelque chose de cohérent. Donc il me tarde de démarrer ce Shadow War. Sans doute dans la semaine qui vient. Donc, bien joué, bien joué. Et en plus de ça, c'était la question qu'on se posait la semaine dernière, ou il y a 10 jours, quand on a enregistré le premier épisode, le 320. On se disait, est-ce qu'il y a des rumeurs qui disaient que Deathstroke allait prendre une place importante dans Final Crisis, qui est le gros événement que Williamson est en train de nous préparer aussi. Oui. En plus de ça, en toile de fond, il nous place des éléments, il nous place des sous-entendus qui, clairement, nous amène à quelque chose de bien plus grand que juste Shadow War. Et là, on a une espèce de leçon de construction d'univers par Joshua Williamson qui est assez, assez impressionnante, il faut le dire. Il force le respect, ce monsieur. Donc, oui. C'est vrai qu'il se débrouille bien là quand même. Sur, sur DC, là, il relance bien le truc. Déjà sur Flash, son run était quand même de très bonne qualité. Mais c'était qu'il était que sur une série. Là, il est sur plusieurs séries et sur la construction en toile de fond, on va dire, des gros événements. Et pour l'instant, enfin moi, de ce que j'ai lu le Robin en VF. Et puis j'avais lu le Infinite Frontier. C'est vrai que pour l'instant, ça tient la route, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc on parlait du Batman bimestriel la dernière fois qui va contenir la série Destro KNC. Donc oui, c'est quelque chose que vous pouvez aller tester clairement. Et je serais surpris qu'Urban ne ressorte pas ça d'une manière ou d'une autre. En tout cas, au moins l'épisode 5 de Destro KNC et peut-être même les 6, 7 et suivants, parce qu'on ne sait pas encore ce que va donner Shadow War, mais enfin, dans cet épisode 5, il y a quand même des choses qui se mettent en place qui teasent bien plus que Shadow War. On nous pose des personnages, on nous fait des révélations qui ont l'air comme ça, mises, voilà, on te pose ça là et fais-en ce que t'en veux, qui, pour moi, pourrait avoir de l'importance pour Dark Crisis. Voilà. Surtout qu'effectivement, la couverture de Dark Crisis numéro 0, Deathstroke est dessus. Je pense qu'il va prendre une place importante. Et oui, effectivement, c'est un peu curieux que la série soit que dans le bimestriel. Ils vont peut-être, ce qu'on disait l'autre fois, ils vont peut-être revoir leur plan. Ou peut-être juste mettre le numéro en question, le numéro 5. Peut-être sortir après Dark Crisis, un volume s'appelle Dark Crisis, et puis un autre un peu compagnon, comme ils ont fait avec Crisis on Infinite Earth, où il y a un peu les choses un peu annexes qui permettent de comprendre la construction de tout ça, ou de voir un peu les tie-ins, et auquel cas, Destro KNC 5, éventuellement, pourrait être dedans, avec un renvoi au bimestriel pour ceux qui voudraient tout lire. Ouais, peut-être. Oui. Peut-être qu'ils n'avaient pas anticipé non plus, j'en sais rien. Ils découvrent sans doute aussi un petit peu comme le lecteur de base. Hein. Les plans de Williamson. Donc, ouais, c'est possible. Donc, bon. Donc voilà. Moi, ça me plaît bien. Shadow War devrait être assez jubilatoire à lire. Donc, bonne pioche que c'est deux séries. Donc, après avoir parlé de Tom Taylor sur Nightwing et Superman la dernière fois. On a parlé de Williamson sur Deathstroke, Robin, Batman et ensuite Shadow War aujourd'hui. Très prochainement, je vous parlerai, je vais même en dire deux mots, de Justice League 75 qui sort juste là à la fin du mois, dans trois. Non, fin du mois de mai ou fin du mois d'avril ? Justice League 75. Dire. Parce que je l'ai lu déjà, d'ici l'a envoyé au retailer, mais je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. En tout cas, celui-là, il faudra le lire parce que c'est. Ce n'est pas un secret pour personne, c'est marqué sur la couverture, hein, c'est la mort de la Justice League et c'est vraiment l'épisode moins de Dark Crisis. Donc, et c'est très bien, c'est très très bien aussi. Donc, voilà, y a vraiment quelque chose qui se construit de très solide du côté de Williamson. Mais, et là je mets un énorme mais, et je vous incite plus que vivement à peut-être ne pas vous laisser avoir. Parce qu'il se pourrait très fortement que Dark Crisis ne soit qu'un espèce d'écran de fumée géant qui nous cache le vrai gros événement qui porterait encore le nom de Flashpoint. Parce que Geoff Jones est revenu cette semaine avec Flashpoint Beyond numéro 0. Et je sais pas. C'est peut-être moi, je suis peut-être le seul au monde à avoir cette intuition. Mais j'ai l'impression que le vrai gros événement qui va changer l'univers d'ici, c'est pas Dark Crisis, c'est Flashpoint Beyond, et qu'on est encore une fois, comme en 2011, en train de nous la faire à l'envers. Je me trompe peut-être, mais quand même. Geoff Jones a ouvert la période DC Rebirth, avec son gros one-shot, rappelez-vous, hein, DC Rebirth numéro 0, qui introduisait même les Watchmen dans l'univers DC, et puis après il a fait Doomsday Clock, et là il arrive avec Flashpoint Beyond, retour dans l'univers Flashpoint, qui commence par une séquence de Batman qui enquête à notre époque sur des événements dont on n'a pas forcément connaissance, et qui se trouve devant un tableau avec plein de questions, plein d'informations, un vrai tableau d'enquête, une information qui nous donne la véritable signification de DC, que veulent dire les deux lettres DC. On nous le donne dans ce numéro 0. On retrouve Mime et Marionnette, des personnages de Doomsday Clock. On retrouve une certaine montre très importante dans l'univers d'ici maintenant. Et puis après, on se retrouve projeté dans l'univers Flashpoint. On suit Thomas Wayne qui se réveille dans cet univers où les choses ne sont pas vraiment comme il les a connues à l'époque où Barry Allen avait remanié la continuité en sauvant sa mère, etc. Enfin, on ne va pas vous refaire l'histoire de Flashpoint, hein, mais Thomas Wayne se réveille dans cet univers-là et il y a des choses qui ne sont pas comme avant. Il y a des petits détails qui ont changé, des petites choses dont certaines personnes ne se rappellent pas. Et Thomas Wayne se pose pas mal de questions et va mener une enquête autour de tout ça pour comprendre un peu comment les choses ont pu changer, pourquoi, qui est-ce qui est derrière tout ça. Il va s'intéresser au fameux projet Superman et à d'autres choses qu'on a pu voir dans le Flashpoint d'il y a quelques temps. Et puis voilà, de temps en temps, John Jones, qui est au scénario du coup de ce numéro, nous place comme ça des petits sous-entendus, nous rafraîchit la mémoire, va twister certaines scènes du Flashpoint d'origine. Et je sais pas, tout ça laisse une impression de... et s'il nous refaisait le coup ? Bah écoute. Et s'il nous refaisait le coup et que pour la deuxième fois de suite, on se fasse avoir ? Est-ce que ce serait pas un sacré coup de force au final ? Je ne sais pas, Parce qu'on nous met... on nous met tout, hein, on nous met tout sous les yeux. La série s'appelle Flashpoint Beyond, certes, mais Flashpoint quand même. Donc c'est censé éveiller la curiosité. Et pourtant, ce truc passe complètement sous le radar. DC le met en avant, mais pas trop. Comme si il fallait qu'on le lise, mais qu'on voulait quand même préserver quelque chose. Assez étrange. Assez étrange. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas mes autres aventures de retailer et qui ne suivent pas mes péripéties sur YouTube, chose assez importante que DC ne fait que très peu, ils ont décidé, face au faible niveau de commande des shops, de prendre sur eux pour augmenter, je crois, de 50% les commandes des shops sur leur dos. Genre, il vous en faudra de ces numéros. Et puis on nous a incité aussi à racheter plus le numéro 1 et la suite de la série par conséquence. Comme si on n'avait pas commandé assez au vu de l'ampleur que l'événement allait prendre. Voilà, encore un petit signe qui fait penser que peut-être c'est plus important que ce qu'on veut nous faire croire. Donc je ne sais pas, mais tout ça est intriguant. Geoff Jones d'un côté, Joshua Williamson de l'autre. Lequel des deux va refaire l'univers DC à sa sauce ? Peut-être les deux, ils vont peut-être se... Peut-être les deux. S'associer. Peut-être les deux. Je ne sais pas. En tout cas, Flashpoint se terminera plus tard que prévu et après Dark Crisis, je crois. Ok. Non, mais je... Bon. Je verrai ça. On verra. Moi, je verrai ça en VF. Ce petit instant spéculation est terminé. On verra si les mois qui suivent, si le début de l'automne donnera raison à cette folle théorie ou si je me serais complètement planté. Et à la rigueur, tant mieux. Parce que ça veut dire que je me serais quand même enthousiasmé sur quelque chose. Ce qui n'est pas arrivé depuis un petit moment. Ouais, c'est vrai que ça... Là, ils proposent des choses, on avait peur quand même, hein, quand ça a changé. Quand il y a le gros trou là, avec Future State, c'est ça. Enfin, franchement, c'était... Voilà, c'était pas très enthousiasmant tout ça. Hein. Non. Et finalement, bon, en mettant Williamson, Taylor à la tête un peu de leurs différentes séries importantes... Eh bien, ça redonne envie de relire du DC Comics, donc c'est plutôt sympa. C'est rigolo que tu dises leurs différentes séries importantes, parce que ce ne sont que des séries de seconde zone. Enfin, regarde les personnages. Robin, c'est vrai. Ouais. Robin, Deathstroke, Nightwing, Superman, mais Superman Son of Kal-El. Plus personne ne parle aujourd'hui de Justice League. Ça veut dire que... C'est terrible, quand même. C'était Bendis, donc... Oui, mais c'est quand même Justice League. Ouais. Batman, même chose, c'est pas la série qui fait beaucoup parler d'elle. Bah, est-ce qu'ils avaient pas. Au départ, ils avaient prévu quand il y avait. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait été viré, là, et qui avait prévu la 5G, tout ça, ils voulaient remplacer quand même remplacer pas mal de personnages par des nouveaux personnages. Est-ce que finalement, ils vont pas se diriger quand même un peu vers ça? D'ailleurs, Flashpoint Beyond Zero commence sur la première page par Batman devant le tableau, et la ligne sur laquelle on nous zoome le truc, c'est 5G barré. Averted. Voilà. Petit tacle par derrière à Dan Didio, comme s'il en avait encore besoin. Et histoire de bien nous dire que non, cette 5G n'aura pas lieu. C'est assez marrant. Allez, il nous reste deux titres pour terminer. Un de ton côté, que j'ai lu aussi. mais je pense qu'on a le même avis. Oh, et puis ouais. Un petit autre dernier de mon côté. Enfin, je dis un de ton côté, mais en fait deux. Un deux en un. Voilà, un deux en un. Après, We Live en VF pour ceux qui l'ont découvert récemment chez 404, dans un superbe bouquin. Il faut encore le souligner. We Live, c'est pas terminé, messieurs, dames. Sachez-le, si vous ne suivez que la VF. We Live va revenir, même en VF. Et We Live est déjà revenu en VO avec une extension intitulée Age of Paladians qui s'est offert deux numéros 1, Black et White. Et je vais te laisser nous en parler. Ouais. Alors, We Live, oui, c'est sorti chez 404 Comics sous forme d'un volume non numéroté, mais qui en fait est un tome 1, hein. Il faut être clair. Et qui se finissait par une ouverture vers un univers large et pas du tout un peu dans l'ambiance de la première saison qui n'était pas vraiment de ce type-là. Et donc ça redémarre ici en VO avec un double, enfin c'est pas un double numéro, mais deux parties, une white, une black, qui suivent un peu les mêmes événements, mais avec deux visions un peu parallèles. Alors c'est pas deux visions de deux personnages, par exemple, qui observent les mêmes événements de façon différente. Ça se focalise sur des parties, des thèmes un petit peu différents de chaque de la même histoire. C'est toujours aussi bon, cette série. Il y a toujours le côté intimiste un peu avec les personnages. On retrouve les deux enfants qui ont bien grandi maintenant. Et voilà. C'est de toute façon, oui, voilà, ça doit être ça. Je suis vraiment une crêpe sur les nombres. Oui, Ototo et Tala, voilà, qu'on retrouve dans le futur. Et donc, le monde ne va pas mieux, hein, bien au contraire. C'est l'apocalypse, on va dire. Et il y a une dimension politique quand même qui vient s'ajouter, qui n'était pas trop présente dans la première saison. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Moi, j'ai vraiment adoré cette remise en route. Alors, je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris que c'était deux numéros différents. Il fallait les prendre, mais peut-être plutôt deux covers différentes, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, il faut si vous, je pense que ça doit toujours être trouvable. Hein, donc, si vous reprenez la série en VO, il faut bien penser à prendre ces deux numéros. Et puis, graphiquement, c'est toujours aussi sublime. Le Iñaki Miranda et Eva de la Cruz aux couleurs, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est un redémarrage de deuxième saison vraiment excellent. Mais c'est couverture, ouais. Sur les deux numéros. Oh, c'est vrai que les couvertures ça tabasse pas mal. Hein. Pour ceux qui ne suivent pas en VO et qui n'auraient pas vu les numéros en question, ce sont des triptyques. Hein. C'est des couvertures qui se déplient en trois parties, des panoramas à couper le souffle. Ouais, c'est super beau. C'est super beau et non, vraiment une bonne reprise de série. Donc maintenant, plus dans l'esprit de la conclusion de la première saison, on va dire. On va pas trop révéler si jamais certains n'ont pas encore lu le volume en VF. Mais non, vraiment, moi je l'ai découvert en VF hein, parce que j'avais pas du tout vu cette série en VO au préalable. Et franchement, c'est une des meilleures lectures de ces derniers mois. Ça promet beaucoup. Et a priori, si j'ai bien compris, ça devrait arriver dès le mois d'octobre en VF, qui a annoncé Nicolas Beaujean. Donc je suppose après, je sais plus combien il y avait d'épisodes dans le 5, non, je sais plus. Après un arc, on va dire, je pense qu'ils vont faire la même durée. Et oui. Donc ça va sortir quasiment simultanément en VF et VO. Et on peut compter sur 404 pour nous faire encore un beau volume. Donc Les lecteurs VF n'ont pas trop de temps à prendre pour avoir la suite. Mais vu le succès du premier volume et de la tournée de Iñaki et Roy, ouais. Sachant qu'ils vivent quand même juste à côté de chez nous, hein, il n'est pas exclu peut-être qu'ils pourraient peut-être même revenir sur certains événements français pour la promotion. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers de 404, mais en tout cas... Les deux artistes, les deux frères sont suffisamment sympathiques et disponibles pour venir rencontrer leur public et participer à la promotion de leur bouquin pour peut-être repointer le bout de leur nez un jour en France. Oui, c'est possible, ouais. Tout à fait. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié, donc je vais m'abstenir, puisque je ne sais plus. Mince. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Je te laisse. Si tu t'en rappelles pendant ma dernière micro-review. Ouais. je vais essayer de m'en rappeler. N'hésite pas à le dire après. Moi, je vais parler. Alors, je ne pensais pas en parler, franchement, de ce titre. Je pensais le lire comme ça. Et puis, bon. Bah, en fait, j'ai bien aimé. Ça s'appelle Breakout. Ça sort chez Dark Horse. C'est sorti là, la semaine dernière, cette semaine, le 13 avril. C'est le numéro 1 d'une mini-série, je crois, en 5 parties, quelque chose comme ça. C'est signé Zach Kaplan, Wilton Santos, Jason Wardy et Jim Campbell. Donc Zach Kaplan au scénario, Wilton Santos au dessin, les couleurs, sont de Jason Wardy et Jim Campbell fait le lettrage. Voilà. Ça nous parle d'un univers dans lequel, je ne vais pas dire de bêtises, je vais essayer de retrouver le nombre, mais je ne suis pas sûr de retrouver, à peu près 200 cubes apparaissent un jour dans le ciel. Et ces cubes envoient des drones de manière quasi quotidienne, pour enlever des personnes qui ont toutes comme point commun d'être âgées entre 11 et 20 ans. Voilà. Donc évidemment, au début, l'humanité s'indigne, essaie de riposter, de contre-attaquer, de lancer des missiles nucléaires, même sur les cubes, etc. Rien n'y fait. Et au final, tout le monde baisse un peu les bras en se disant... Est-ce que une trentaine de jeunes à chaque incursion, c'est pas suffisant et c'est pas acceptable pour avoir la paix, sachant que nous adultes qui dirigeons ce monde ne sommes plus concernés puisqu'on a passé les 20 ans et que on risque rien nous pour notre peau. Donc c'est pas grave, on peut peut-être sacrifier cette trentaine de jeunes de manière quasi quotidienne pour avoir la paix. Et du coup, bah, le monde se calme, la vie reprend à la normale. À l'exception de la jeunesse, en fait, qui vit sous la menace permanente de peut-être être enlevée, disparaître, retenue dans ces cubes qui ont l'air d'être des espèces de prisons, où on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà. Sauf que bah, les jeunes, eux, vivent sous la peur, et certains ne sont pas résignés à rester les bras croisés, même si les adultes de ce monde ne font plus rien. Et c'est le cas notamment d'un personnage que l'on va suivre, qui a perdu tout simplement son petit frère. Son petit frère qui a été embarqué et qui a réussi à transmettre une vidéo depuis l'intérieur du cube. Et du coup, il s'est mis en tête d'aller le sauver. Et pour ça, il va réunir tout un groupe autour de lui, de jeunes, qui ont toute une compétence ou une place dans le monde social qui est le lycée à cette époque. À cet âge plutôt, pour essayer de monter quelque chose pour sauver son frère. Et pour ça, il va s'aider d'un des fameux drones qu'il a réussi à récupérer. Voilà, il va essayer de faire quelque chose avec ça, avec pour mission s'introduire dans un cube, sauver les jeunes qui sont là-bas et s'exfiltrer. Voilà le plan juste impossible dans lequel il s'embarque. Et je dois avouer que c'était quand même vachement pas mal, quoi. Petit numéro 1 là, que j'attendais pas plus que ça, que je lisais surtout pour me tenir un peu un courant de ce que fait Dark Horse, parce que je me disais, allez, pourquoi pas, ça change. Et ben en fait, c'est assez cool, ça dit pas mal de choses sur la notion de qu'est-ce qui est sacrifiable pour le bien commun ou pas. Est-ce qu'on peut accepter quelques vies pour que le reste de l'humanité, entre guillemets, soit tranquille? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui ne veulent pas se résigner, et comment est-ce qu'ils font, etc. C'est assez intéressant, ça parlera sans doute aussi à la jeunesse, je pense. C'est assez orienté pour les jeunes adultes, et avec cette espèce de message, bah non, ne vous résignez jamais, et essayez toujours de vous battre. Donc j'irai lire la suite de cette mini-série, parce que j'ai envie de voir où ça va, et de voir un petit peu jusqu'où vont les messages un peu donnés par Zach Kaplan, notamment sur cette mini. Donc bonne pioche pour quelque chose dont je n'attendais pas grand-chose. Mais moi je l'avais raté, et là en faisant le kit de survie, je l'ai vu. Donc j'en ai pas parlé, mais je m'étais dit qu'elle allait peut-être aller jeter un œil, mais là tu me donnes bien envie d'aller voir. Mais bon, si c'est en 5, tu as dit. C'est une mini, ouais, donc je pense qu'un TP, tu vois. Ouais, donc j'attendrai le TP, j'irai voir. Mais c'est vrai que ça avait l'air assez tentant, on va dire. Et puis Zach Kaplan, je connais pas du tout. Enfin, c'est en 4 parties, c'est même pas en 5, c'est en 4. 4, ouais. Je connais Zach Kaplan, j'ai vu ce nom quelque part, je suis même quasiment sûr d'avoir lu quelque chose de lui, mais je suis incapable de te dire quoi. Et donc, je sais qu'il va sortir aussi, et ça, c'est... il va sortir une autre mini-série chez Volt, oui. Avec, c'est ça qui m'avait attiré, avec au dessin John Pearson, oui. qui a fait les couleurs, et enfin une partie du dessin de Blue and Green avec Bram V, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est là que j'avais vu sur son compte Twitter, et je sais que j'ai vu que c'était lui qui scénarisait aussi. Donc cette série là ça s'appelle Mindset, ça sort en juin, donc ça j'irai voir. Et mais là ça me dit bien, je vais attendre sans doute le TP puis voir ce que t'en dis un petit peu pour la suite, mais je pense que c'est une série j'irai sans doute piocher au moment de sa sortie TP. Ouais, et je te confirme que Mindset c'est aussi quelque chose qui me fait de l'œil. Bah, ne serait-ce que graphiquement, John Pearson, c'est quand même très original. Assez, ouais, le concept aussi de ce qu'est Mindset voilà, m'intéresse. Donc... Ouais, non, ça devrait être une série sympa, c'est du Volt. En général, j'aime plutôt ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. L'esprit, on va dire, de leur série. Hein. Donc, ouais, le 29 juin, ça sort. Fin juin. Donc, ça, voilà. C'était le petit lien encore avec le scénariste. Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas connaissance de ce qu'est Mindset, c'est une histoire de manipulation mentale, en fait, de contrôle de l'esprit. Il y a un petit jeune geek un peu qui découvre une forme de contrôle mental, de contrôle de l'esprit des autres, et qui va faire un truc assez surprenant, c'est qu'ils vont mettre ça dans une application pour mobile, cette technologie. Avec pour objectif, non pas de manipuler les gens, quoique, mais de leur permettre de briser leur addiction à la technologie et tout ce qui va être les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Et donc cette application, via cette technologie un peu de contrôle mental, est censée, bah justement, c'est assez paradoxal du coup de se dire qu'une application va nous permettre de ne plus être dépendant à toutes ces applications. Oui. Mais en vrai, quel est le plan derrière? Est-ce que c'est vraiment ça? Et c'est un peu la question qui va être posée, du coup. Il y a une espèce de côté un peu philosophique par rapport à notre dépendance aux médias sociaux, au téléphone, etc., à toutes ces plateformes un peu numériques, et au contrôle de l'esprit, souvent à notre insu, qui a l'air assez intéressant. Et effectivement, moi, j'ai carrément retenu ce numéro 1 de Mindset qui arrive en juin. Ouais. Et je pense qu'effectivement, le concept voilà, de manipulation, esprit, etc., dessiné, enfin, représenté par... Par John Pearson, ça devrait être pas mal. Moi, je reste un peu focalisé sur ma partie graphique, mais ouais. C'est quand même un artiste qui, voilà, qui propose quelque chose de très original et qui peut tout à fait correspondre à ce pitch, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est une des choses dont on vous parlera dans les mois prochains dans nos podcasts. Soyez-en sûrs, puisque les deux, on a l'air bien hypés pour ça. Et puis moi, je vous dirai à la fin de Breakout ce que ça donne. Et ben voilà, on arrive au bout de notre programme. Bah oui, finalement. En une heure à peu près. Donc comme ça, effectivement, on n'aurait pas tenu le choc sur une grosse partie de plus de deux heures la dernière fois. Et puis ça a permis d'aborder des choses toutes récentes qui sont sorties cette semaine. Donc c'est pas plus mal, on va coller vraiment à l'actu. Et on ne sera pas en retard cette fois-ci sur ce dont on vous parle. On se retrouvera sans doute à la fin du mois ou au tout début du mois de mai pour vous parler de nos lectures d'avril. Et de début mai. Il y a pas mal de choses qui nous tentent, sans doute. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce que tu guettes, toi, dans les semaines à venir? Oula. Mais comme ça, à l'improviste, c'est la question piège. Le retour de la question piège. Attends, j'ai ma liste qui s'affiche. Bah là, cette semaine, il y a un nouvel épisode d'Ice Cream Man qui arrive. Il y a. C'est vrai. Eh oui, ça faisait longtemps, je crois. Hein. Ouais. Il y a longtemps que je n'en ai pas lu, moi. Il y a We Live, numéro 2. Il y a Nice House 8, Homesick Pilot 4. Là, il y a 4 singles cette semaine, mais 4 grosses. Nightwing 91 également. Ouais, bah ça, moi, je suis passé à la VF. Oui, donc tu passes à la VF, mais ça sort aussi. Il y a la nouvelle série de Christian Ward où il fait le scénario. Bloodstained Teeth. Alors, c'est encore du vampire. Voilà, ouais, c'est encore du vampire. Alors... Ça me saoule un peu les vampires, mais ça a l'air pas mal quand même au niveau dessin, etc. Puis c'est un peu du polar, donc je vais tester. Si le 1 m'emballe, je continuerai. Puis sinon, j'arrêterai dans la foulée. Bien évidemment, Step by Bloody Step, le 27 aussi, là, qui arrive le 3. C'est en 4 parties. Donc, le numéro 3, ouais. En termes de nouveautés, alors j'ai mis dans ma liste le Twig de. Comment s'appelle-t-il, Scotty Young? Scotty Young et Kyle Stram. Sans doute. Je ne me souvenais plus du dessinateur. Donc là, pareil, une série à tester. Scotty Young, les derniers trucs qu'il a fait, ça m'a plutôt botté, même si là, ça a l'air assez orienté plutôt jeune. Hein. Ouais, j'ai reçu une preview là, de Image en version papier, là, quelques pages de preview. On est un peu sur le format graphique d'un album pour enfants, avec des grandes images et puis des lignes de texte au milieu. Il n'y a pas de bulles, en fait, sur les premières pages. Donc, je ne sais pas après comment ça va s'engager, mais c'est un style narratif inhabituel pour Scotty Young, donc c'est intéressant de le voir expérimenter ça. Je vais voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon. Après, il y a le retour de Giga, une série que j'aime beaucoup chez Volt. Mm-hmm. De Alex Pacnadel, il y avait eu une grosse pause au bout du quatrième, donc puis ça a été repoussé le 5 encore, je crois. Donc on verra, j'espère que ça va arriver. Et puis ça c'est le mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Il y a des omnibus moi que je vais prendre parce que il y a des trucs que je veux suivre et que j'ai pas, du Hulk et du She-Hulk notamment, qui devrait être. Et il y a le retour de Barbaric aussi au mois de mai, la série de Michael Moriarty que j'avais bien aimé, qui était en 3. Qui revient pour une, on va dire, une deuxième saison, hein, on va dire ça comme ça. Une série plutôt sympa, le Hold Dog dont on a parlé tout à l'heure, au mois de juin. Ça me botte plutôt. En termes de nouveautés, il y a Texas Blood. Merci, heureusement qu'il est là. Qui revient, parce que là aussi on était en pause, hein, c'était le deuxième arc qui s'était fini, donc il revient avec le numéro 14. Au mois de juin, il y a un omnibus The Question aussi, qui de Denis O'Neill. C'est un vieux titre, ça, mais ça m'intéresse, bien. Je ne sais pas si ça arrivera en VF. Déjà, il y avait la mini-série de Jeff Lemire, The Question, que je pensais qui arriverait en VF chez Urban, parce que c'était quand même un titre plutôt bien fichu et graphiquement intéressant. Et bon, on n'a pas entendu parler, donc je ne sais pas s'ils attendent une occasion, une série ou je ne sais quoi pour la ressortir, mais. Mais bon, c'est un peu dommage. Allez, je vais pas faire toute ma liste, hein, mais et puis au mois de juin, il y a la nouvelle série de Daniel Warren Johnson dont on a déjà parlé. Do a Power Bomb. C'est ça. Ça, c'est clair que ça va être direct. Et puis bon, c'est tout. Hein, je vais pas continuer. On en reparlera un petit peu plus tard, mais pas mal de trucs encore. Puis il y a quand même pas mal de séries qui continuent. Hein. Ouais. Certaines vont s'arrêter bientôt, mais globalement. On a quand même toutes les semaines 3-4 séries qui me plaisent beaucoup. Et encore, je limite pas mal, hein, donc je ne peux pas tout lire. Si je dois parler de mes attentes et de ma liste, pour compléter ce que tu as dit, je ne vais pas forcément redire, mais il y a le Batman Superman numéro 2 de Mark Waid et Dan Mora qui arrive la semaine prochaine, donc ça forcément je serai là. Qu'est-ce qu'il y a encore, évidemment, tu l'as dit, le nouveau Ice Cream Man, on est d'accord, le Nightwing 91, je l'ai dit, nouvelle série Buffy qui s'appelle The Vampire Slayer aussi, pourquoi pas. Et puis derrière, ça va dérouler gentiment sur la fin du mois avec le Justice League 75 qui arrive la semaine du 25. Donc ça, quelque chose que j'attends très fort, même si je l'ai déjà lu, c'est resté sur écran, donc c'est moins intéressant. J'ai quand même hâte de l'avoir dans mes mains en version papier. Je suis pareil que toi sur Blood Scientist de Christian Ward. Aussi parce que scénario plus dessin de Christian Ward, c'est tout. C'est pas lui qui dessine. C'est pas lui qui dessine. Bon. Non. Mais les dessins, j'ai regardé, il y avait quelques pages preview, je sais pas où. Et le dessin avait l'air plutôt sympa, quoi. C'était, alors comment il s'appelle ce monsieur? Patrick Reynolds. Ouais, ok. Je connais pas, moi. Ok. Et puis après, le mois de mai va nous amener le FCBD et ça a palanqué de preview. Beaucoup de contenu inédit dans le FCBD de cette semaine. On en parlera dans la prochaine émission. Hein. Ça ne sert à rien de vous débriefer les lectures aujourd'hui. Mais il y a pas mal de trucs intéressants dans le FCBD de cette année. Flashpoint Beyond, évidemment, qui va continuer. La fin de Monkey Meat. Twig, on est d'accord. Et puis voilà, tout ce qui concerne les séries qu'on a l'habitude de lire aussi, hein, qui vont continuer. Moi, je rajoute du Charles Soule dans les semaines à venir. Et ouais. Tu aimes le risque? Et ouais, j'aime le risque. Parce que ça, je suis sûr que ça va être cool. Ça s'appelle 8 Billion Genies. C'est avec Ryan Brown au dessin. Ouais. Le principe est simple, vous connaissez tous les génies d'Aladin hein, qui accordent des vœux. La question que pose Charles Soule dans cette série-là, c'est « Et si chaque individu sur Terre, d'un coup, en même temps, avait droit à un génie et à un vœu ? Est-ce que ça foutrait pas sacrément le bordel ?» Donc moi, sur ce pitch-là, je me suis dit « Allez, je veux aller voir ça ». Charles Soule, sur ce qu'il fait en dehors du mainstream, est pas mal quand même, donc... Je prends pas tant. Ouais, il a fait des trucs pas mal. Moi, le truc qui m'avait marqué, c'était Letter 44, qui était sorti chez Glénat. Très très très bon. Ouais, ça c'était une bonne série. Après, sur avec Scott Snyder là, sur Undiscovered Country. Merci. Décidément aujourd'hui, je me souviens de rien. Bah là, il y a le tome 3 qui va sortir chez Delcourt. Je vais aller voir, mais a priori, ça part un peu en sucette quand même. Mais c'était pas trop mal. Alors je sais pas quelle est la part de chacun dans l'histoire. Hein. Il y avait toujours le côté un peu exagéré, je pense, que de Scott Snyder. Non, c'est un scénariste qui peut faire des choses correctes. Après, c'est vrai que sur tout ce qui est Marvel ou je sais pas s'il a travaillé chez DC. Enfin, chez Marvel en tout cas. Bon, j'ai rarement été convaincu. Hein. Mais bon. Oui. Après, c'était pour la blague, hein, pour charger un peu. De son Daredevil 604. Le légendaire. Le légendaire. Il faudra aller demander forcément des comptes pour ça un jour. pour terminer, une fenêtre de tir jusqu'à dans un mois, qui sera à peu près la date maximum du prochain podcast. Évidemment, Something is Killing the Children et House of Slaughter qui revient pour un numéro 6. Tout ça, ça m'intéresse évidemment. Et puis, quelque chose dont tu n'as pas parlé, mais tu as parlé de Darren Warren Johnson. Il y a une petite curiosité de Darren Warren Johnson chez DC qui arrive le 10 mai, qui s'appelle Jurassic League. Oui, maintenant, je n'ai pas vu ça. La Justice League version Dinosaurs. C'est quoi c'est un one-shot c'est quoi exactement c'est une mini-série. Mini-série ? Ah, je l'avais pas vu. C'est une mini-série en six parties, qui s'appelle Jurassic League. Alors, c'est pas lui qui dessine, c'est Juan Gedeon qui est au dessin. Okay. Mais c'est Daniel Warren Johnson qui a fait les designs et qui fait les couvertures et qui est au scénario. Et ça a l'air un peu taré. Enfin, on a un peu l'habitude maintenant avec le monsieur, mais... Ouais. Après, je t'avoue que le pitch me motive pas super. Non, mais je comprends. mais voilà, c'est juste pour dire, il y a aussi du dernier Warren Johnson qui arrive. D'accord. En mainstream, on va dire. Ben dans écoute, le genre si tu... pur délire, sans doute. Si tu jettes un œil, tu me diras. Mais moi, je crois que je suis pas sûr. Pas sûr. Ouais. Je feuilletterai peut-être. Surtout s'il est pas au dessin. Bon. Je feuilletterai peut-être le numéro 1, mais pas plus. Moins voilà. Excitant. Voilà pour le programme des semaines à venir et nos lectures respectives. Nous allons maintenant nous quitter, souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit peut-être aux personnes qui nous écoutent, puisqu'on ne sait pas trop quand est-ce que vous allez nous écouter. D'ici la prochaine fois, évidemment, prenez soin de vous, faites plein de bonnes lectures. On vous a donné sans doute pas mal de conseils et pas mal de pistes pour ceux qui ne savaient pas trop quoi lire, comme s'il était possible de ne pas trop savoir quoi lire quand on lit du comics. Le problème, c'est plutôt de savoir quoi ne pas lire. Voilà, ouais, faire un tri. Pour raccourcir sa liste d'achats au plus possible. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un peu le problème. En VF aussi, hein, y a énormément de trucs qui sortent. Mm. Donc c'est vrai qu'il faut. On n'a pas le choix. Exactement. On n'a pas le choix. Un budget extensible. Non. Ni le temps, d'ailleurs. Parce que non. Moi, j'ai quand même un budget relativement conséquent et j'ai une pile qui s'accumule. Jusqu'à l'autre bout de la terre. Donc j'ai mis un beau coup de pied au cul de ma pile à lire, là. Surtout aujourd'hui où j'ai lu pas mal de trucs. Ça fait plaisir, je vais essayer de rester sur cette dynamique pendant cette semaine de congé, avant de reprendre le train de la vie effrénée et de ne plus avoir le temps de rien lire. Ouais, c'est un peu le problème. Exactement. Allez, bonne lecture à tous. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis sur les lectures dont on a parlé, si vous les avez partagées avec nous, et peut-être même si vous n'avez pas le même avis que nous. Après tout, c'est possible. Ce n'est pas acceptable. C'est sans doute banni. C'est problématique, mais bon. Mais c'est quand même malgré tout possible. Ouais. À très vite. Ouais. Salut. Ouais. À bientôt.